بسم الله الرحمن الرحيم. أمس في الدرس المواضيع أخذنا ما يتعلق بأقوال بعض الأئمة في الصفات، بعض أئمة السلف. أنا أدخل كلام الإمام أحمد، كلام الشافعي، تمام. وبعد هذا أخذنا الترهيب في السنة وتحذير من البدعة. أصلاً سلي شوز ديجا الحمد لله أكيز. سيت توجور المقدمة بارابور سكي فيا سويفو. لا مازلنا إيجالمون لاسكي يوصل من المقدمة دو لوتير. وجاء في فصل جديد قال في ذكر بعض آيات الصفات. Dans lesquels il va citer certains versets relatifs aux sifat. Certains, parce qu'il y en a beaucoup, il cite certains, bien évidemment. On a expliqué ce livre à la base, c'est un résumé, et c'est l'Umara, l'essentiel. Là, ça ressemble au livre de son cousin, qui est Abdel Ghani, qui est Al-Iqtisad fi l'Irtiqad. Al-Iqtisad fi l'Irtiqad, qui ressemble à ce livre-là. Qui est aussi l'iqtisad, c'est-à-dire ce qui est le peu à savoir dans ce qui est primordial à savoir. Naam. Qala famimma ja'a min ayati sifat qawluhu ta'ala wa yabqa wajhu rabbika. Parmi les sifat qui sont les ayats qui sont venus par rapport aux sifat, celles qui parlent du wajh d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sourate Ar-Rahman, verset 27, et il restera le visage de ton Seigneur. Fahada hadi sifat thabitatun lillahi ta'ala. Il y a ijma chez les salafs que Allah subhanahu wa ta'ala il a un wajh, un visage. Fayajib ithbatuhu lahu bidun tahrif wa la ta'til wa la takif wa la tamthil. Alors, ça c'est ma'louf, et ça c'est un wajh haqiqi, réel. Comme cela revient à Allah. Kifia, on ne le connaît pas. Min al-ahadith, allati dhukirat fi hadha al-bab, qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam Sa'd ibn Abi Waqqas, innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah. Tu ne dépenseras pas, tu ne feras pas de défense sans que tu ne recherches par celle-ci le visage d'Allah. Et donc là, قال النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها sans que tu en prennes une récompense. Là c'est dans ce qui est relatif à la niya, que même celui qui dépense pour sa famille qui met une niya, comme قال تبتغي بها وجه الله, tu recherches le visage d'Allah, tu es récompensé. قال في حتى في الحديث قال حتى ما تجعل في مرأتك. Même ce que tu mets dans la bouche de ta femme, c'est-à-dire comme nourriture, tu es récompensé. Donc, le shir, Cheikh Al-Thamin, il dit que les gens du Ta'til, ils ont awwal cette sifat par al-thawab. D'accord ? La récompense d'Allah. Et le rad là-dessus est déjà venu que si tu n'as pas de dalil, al-asl yabqa ala zahiri. Tu le prends selon son apparent. Selon l'apparent. C'est pour ça les ahkam qu'il a donné au début, le kawaïd, elles te servent à cela par la suite. Savoir que pour ne pas avoir tout le temps à revenir, à expliquer, tu as pris les kawaïd, comment tu dois fonctionner face aux versets et aux hadith dans les sifat, dans les asma. Une fois que tu as acquis cela, alhamdoulilah, baqi tamshi alayhi. Thumma dhakara, rahimahullah ta'ala, wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, bel yadahu mabsutatani. Bel yadahu mabsutatan. Qu'il a dit, mais plutôt ses deux mains sont fermées. Après que les Yahoud ont fait un corne, justement, à tanakus min sifatillah, wa qalatil Yahoud, yadullahi maghloula. Que les mains d'Allah sont fermées. Qala ta'ala, rullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Bel yadahu mabsutatan. Qu'ils ont dit les Yahoud que les mains d'Allah sont fermées. Donc il a dit, leurs mains ont été fermées à eux et ils ont été maudits pour ce qu'ils ont dit. Et là, c'est ma'alouf que les Yahouds sont des radins. À chaque fois, même les koufars se disent, pourquoi les juifs sont comme ça, ils ont déjà avare. C'est Allah qui les a maudits pour leur qawl. Et même chez les gens qui ne croient pas au Coran, ils se rendent compte que les juifs, c'est pas le sifat, ce sont des gens avares. Ça, c'est ma'arouf. D'ailleurs, tu regarderas bien, je ne me rappelle pas avoir vu des mendiants devant les synagogues. Tu as déjà vu un mendiant devant les synagogues? Ah, moi non plus. Devant les massagies, tu en trouves plein. Dans les églises, tu vas en trouver. Une synagogue, ils ne viennent pas parce qu'ils savent que pour eux, c'est mort. Dans la synagogue, tu n'auras rien du tout. Et ça, c'est une chose qu'Allah il a mis dans le cœur des gens. Kul nas, que les Yahoud, tamam, sont des gens bukhala. Donc pour revenir, là, isbet sifat al-yad lillah. On affirme la sifat de la main. Bel, les deux mains. Wa zakarna fi kitab tawhid anna yadayhila kifa hiya kilta yada yamin. Ces deux mains sont yamin. Le hadith qui est venu qui cite la gauche, dedans, il est chaz. Il est chaz, il est sahih anna kilta yaday yamin. Comme a dit le hadith Ibn Omar, si je ne me trompe pas. Wa kadhalik min al-ahadith ذكرها الشيخ ابن الصيمين قال يمين الله ملأ لا يريدها نفق سحى ليل والنهار إلى قوله بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض رواه مسلم والبخاري معنى الحديث متفق عليه que la main d'Allah elle est remplie et qui dépense généreusement même nuit et jour et l'autre main par laquelle il saisit, qu'il élève ou qu'il rabaisse. Donc les salafs sont unanimes à la isbet al-yadayn lillah, que Allah il a deux mains. Donc nous on doit y croire sans tahalif, sans ta'til, sans takif, sans tamthil, que ce sont deux mains réelles. Ma'na al-yad ma'louf indana. Maintenant le kifi on ne le connaît pas. Et les gens du ta'til, ils ont fassar yadullah bi al-ni'ma ou la kudra, mathalan, que c'est le bienfait d'Allah et la kudra. Il y a un osl à la base, indi yad alayk, dans les arabes, j'ai une main sur toi, c'est-à-dire j'ai une ni'ma sur toi. Quelqu'un qui t'a rendu un service, qui t'a aidé, yakul li yadun alayk. Genre comme si tu lui dois quelque chose en fait. Mais comme certains aïmat du Laura, ils ont dit, le musanna, le fait d'utiliser le duel, yani yadan, ce n'est venu que pour les mains réelles. Ça peut être employé pour justement des kalem yani imagés. Donc ils ont dit c'est la ni'ma et la kudra. Donc là, ça, on réplique encore à ces gens-là par rapport à ce qu'on a dit comme règle que le texte on le prend selon l'apparent. Donc on n'a pas un dalil qui amène à un ta'wil. D'ailleurs, لما ذكر الله تعالى لإبليس تمام لما خلقت بيدي parce qu'il n'a pas voulu se prosterner devant Adam. Il a dit parce que j'ai crié de mes deux mains. لأن من خصائص آدم qu'il est écrit de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit quoi? Si jamais c'était la kudra ou quoi? Il a dit quoi Iblis? Ana khayrun minhu khalaqtani min nar. C'est meilleur que lui, tu m'as créé de feu et lui, tu l'as créé de terre. Donc si ça voulait dire la kudra, ben Iblis ne l'aurait pas, il aurait dit un akazalik, raktani bi kudratik. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié Adam par sa main. Pour dire que ça, c'est parmi les choses qui sont propres à Adam, qu'il a été créé par la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. La Torah kazalik, Allah l'a écrit de sa main. Comme a dit dans le hadith, le débat qui est entre Adam et Moussa, que Allah a écrit la Torah de sa main. Mais également qu'il a planté des arbres du Jannah de sa main. Arrête les Alika. Donc tout cela, on y croit. Maintenant, il cite une shubuhat que les gens pourraient avoir. Anna sifat al-yadayn waridat al-aidat kayfiyat. Sont venus de différentes sortes, avec différents nombres. Mathalen, elles sont venues au singulier. Kakulillahi ta'ala, tabaraka allazi biyadihi al-mulk. Tabaraka celui dont la royauté est dans sa main. Surat al-mulk, verset 1. Donc là, c'est singulier. Athani at-tathniya, or duel. Kakulillahi ta'ala, bel yadahu mabsutatani, qui est le verset qu'on vient de prendre à l'instant. Mais plutôt, ces deux mains sont grandement ouverte. وثالث الجمع pluriel. كقول الله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. N'ont-ils pas vu de ce que nous avons créé pour eux, de ce qu'ont fait nos mains comme bestiaux? Donc comment joindre entre ces choses-là? Parce que déjà ils vont dire à un moment c'est une main, une fois c'est deux, et une fois c'est plusieurs. Donc il y a Tana Akod. Donc déjà, comme le Shir le disent, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala yuthbit al-mufrad, ça ne contredit pas les deux. Parce que quand quelqu'un a deux, forcément des fois il peut dire une. Il utilise une. Donc là-dessus, il n'y a pas de contradiction. Maintenant, le wajh où il peut y en avoir, c'est le fait de dire deux mains, après de dire plusieurs. Il dit Hada ala wajh ta'zim. Vraiment, ala wajh ta'zim. Et ce ta'zim, il n'a pas de hakika dans l'adad. Ce n'est pas un nombre défini, c'est juste un ta'zim. Pour rendre la chose plus grande encore. Donc cela ne s'oppose pas au tasnia ou au duel. Et certains même, ils ont dit des ulama, akal al-jam isnan. Que pour eux, le minimum du pluriel, c'est deux. Donc à ce qu'on l'a, qu'on dise un jam, ça n'empêche pas non plus un tasnia. Et un tasnia, ça n'empêche pas un singulier. Parmi les choses qu'on peut réfuter, par exemple, à ça, comme akal al-azawajal, yakol illahi azawajal, wa ilahukum ilahun wahid. Que votre divinité n'est qu'une seule. D'accord. وفي آية أخرى قال وما خلقنا السماوات والأرض. Nous n'avons pas créé les cieux et la terre. Là, il parle de lui au pluriel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs divinités. Il n'y en a qu'une seule. Mais ça, c'est le ta'zim. C'est le ta'zim. هذا هو الجواب. C'est la réponse. ثم قال قوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلموا ما في نفسي ولا أعلموا ما في نفسك. Il a dit, je sais ce qu'il y a dans ton, tu sais ce qu'il y a dans mon nefs, dans mon âme, en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a dans ton âme à toi. Surat al-Ma'ida, verset 116. Donc là, sifat al-nafs lillah thabita. Wa kadhalik qawlu ta'ala wa jaa. Ah, ça c'est après ça. Kadhalik min ayat adalla ala ithbat al-nafs lillah. قوله تعالى كتب ربك على نفسه الرحمة. Que ton Seigneur a écrit sur lui-même la rahma. Al-An'am verset 54. Et dans le hadith, on va aller avec ça. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. Il dit je me suis rendu à moi-même interdit le ظلم, l'injustice. وهذا من أدلة أن من صفات الله النفس. النفس parmi les sifats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres adillah. Lui cite là en guise d'exemple. Donc, il y a des salafs qui ont dit à l'ifbet hadith sifat. Tamam. Bighayri tahlif, ou la ta'til, ou la ta'kif, ou la tamthil. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى سبحانه وَجَاءَ رَبُّكَ وَكَذَلِكَ. Ça veut dire et ton Seigneur est venu. Al-Fajr, verset 22. وَقُولُهُ هَلْ يَنْذُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهِ. Est-ce qu'ils attendent que Allah vienne, ou que Allah leur vienne? Al-Baqara, verset 210. فَهَذَا إِثْبَتْ صِفَةِ الْمَدِي وَالْتِيَنِ. Qui ont le même sens, qui veut dire la venue en français. فقال الشيخ مجيء الله للفصل بين عبادي يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. Donc le fait que Allah va venir pour pouvoir justement juger entre ses serviteurs يوم القيامة, c'est une chose qui est affirmée par le kitab et la sunna et l'ijma des salaf. كما جاء في الحديث كذلك حديث طويل حديث يعني ما يحصل في يوم القيامة lorsque les gens vont venir pour demander aux anbiya d'intercéder pour eux, pour minimiser des affres. Hatta idha lam yabqa illa man ya'budu Allah atahum rabbul alamin. À telle époque, il ne restera que ceux qui adoraient Allah, donc le Seigneur des mondes va leur venir. On va venir. Al-Hadith muttafaqun alayhi. Donc cela appuie anna al-madi wal-ityan min sifatillah. Donc on y croit. D'accord ? Comme les autres sifat, sans tahlif, ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. Il s'est un maji haqiqi, réel. Comme il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykoum salam. Et les gens du ta'atil, ils ont awel cette sifa par maji amrihi, son décret qui va venir. Kafikulla azza wa jal, ata amrullahi fala tasta'jilou. On dit là, c'est ta'wil mayajouz. Vous n'avez pas de dalil qui veut dire cela. Donc on reste sur le asl, que on prend cela selon l'apparent. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عن رضي الله عنهم ورضوا عن que Allah les agrée, ils ont agréé Allah. Surat al-Ma'ida, verset 119. Donc là c'est Rida. Rida qui est traduit nous par l'agrément. كما جاء في الحديث ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها او يشرب الشربه فيحمده عليها رواه مسلم que Nabi sallallahu alayhi wa sallam le dit, certes Allah agrée que son serviteur prenne une bouchée et qu'il le loue pour cela, ou qu'il boive une gorgée et qu'il le loue pour cela. فقال ان الله لا يرضى, même le lem là qui vient la yarda, c'est lem taukid. Ou Zahra, quoi, peut-être, après Inna. Mais ça ressemble à Tawkid, en tout cas. Donc, cette sifat-là, كذلك, نُثْبِتُهَا لِلَّهِ تَعَالَى أَنَّ الرِّضَى مِنْ سِفَاتِ اللَّهِ. Et les gens de Ta'atil, ils ont awwal cette sifat par Al-Thawab, comme le Wajj. Comme le Wajj. Là, ce qui prouve leur Takhabbut, qu'ils font un même Ta'wil pour deux sifats différentes. قال المؤلف في قول الله تعالى يحبهم يحبونه qu'il les aime et eux l'aiment. Surat Al-Ma'ida 54. هذا صفات المحبة, que Allah il aime. فهذا كذلك c'est une صفة qui est ثابتة لله بالكتاب والسنة والإجماع, que Allah il aime. كذلك الله عز وجل إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين, que Allah il aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخيبر qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il allait donner l'étendard et que c'est Ali qui a été désigné pour la voix. قال لوطين راية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله متفق عليه, que je vais demain donner l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager et que Allah et son messager aiment. Donc là le shahid رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله يحبه الله. Donc là le damir يحبه, c'est damir متصل في محل نصب معفول به, et le fa'il c'est lafz jalala يحبه الله. Et ça c'est parmi les choses qui sont le madh li Ali, que Allah et son messager l'aimait. Et alors tout le sahaba. Et là c'est un texte, c'est un tome 6 comme on dit. Donc là et كذلك اجماع للسلف avec le kitab wa sunna, que al-mahabba min sifatillah, que Allah il aime. Et eux, les gens de Ta'atil, ils ont fait comme le rida et comme le wajj, ils ont fait un ta'wil que c'était al-thawab, la récompense. Bien évidemment. Parce que pour eux, le mahabba, c'est forcément comme al-rahma, c'est que tu as une forme de faiblesse, un penchant vers la créature. On dit, c'est une manière qu'Allah il aime sa créature. Et bel le thawab, mima yurad alim, le thawab yurzem el mahabba. Quand tu donnes une récompense ou quoi, c'est que tu aimes ce que tu vas faire. Tu ne donnes pas de récompense à thawab si ce n'est pour une chose que tu aimes, qui mérite. Donc, ada yurzem minhu el mahabba. Donc, ça, c'est tanaqid, c'est contradictoire chez eux. Et même le thawab, car ils ont voulu dire que ça, c'est les sifats que sont chez la créature, on dit thawab kazalik. Mawjoud an el makhloukat. Le thawab, c'est aussi présent, donc. Comme on a pris dans le Tadmouriya, pourquoi tu affirmes cela, tu refuses cela? Il a dit parce que ça ressemble à la créature. Et ben, il dit ça aussi, ça ressemble à la créature. C'est présent chez eux. Il dit, ça, le aql, il accepte. On dit, le aql, s'il accepte que Allah, il aime. On n'aura pas fini. Tout ça, on l'a pris dans Tadmouriya, walhamdulillah. Wa qawluhu fil kuffar, ghadiba Allahu alayhim. Que Allah s'est mis en colère sur eux. Al-Mujadala, l'entretien, verset 14. Donc le ghadab, la colère, min sifatillah. وكذلك في آية أخرى وغضب الله عليه ولعنه. Que Allah se met en colère sur lui et le maudit. Surat An-Nisa, celui qui aura tué un mu'min amdan, volontairement. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث متفق عليه إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تلغب غضبي. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit que Allah a écrit un livre qui est auprès de lui du arche. Il dit que ma miséricorde a dominé sur ma colère. وهذه ce hadith là c'est un bab al-mas'ala qu'on a entendu il y a pas longtemps dans le dirs am que les sifat tatafadhal. Les sifat d'Allah, certaines sont meilleures que d'autres. Et chez l'islam, yuzbit al-alkool. Les gens pourraient trouver ça étrange. Je dis, comme le Coran. Le Coran, il y a des versets qui sont meilleurs que d'autres. Des sourates qui sont meilleures que d'autres. La meilleure sourate du Coran, c'est quoi? Al-Fatiha. Le meilleur verset, c'est quoi? Ayat al-Kursi. Mathalan. Et bien sûr, comme l'épreuve de cela, c'est que les versets où Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui-même et de son tawhid sont meilleurs que les ayats où il parle des ahkam, où il parle des qissas, des anbiya. Mathalan, pourquoi sourate al-Ikhlas vaut le tiers du Coran? Il y a thuluth al-Coran. Pourquoi? Parce que c'est une sourate qui, elle, n'est basée que sur le tawhid du début à Safa. Bisha'nillahi azza wa jal. Et le Coran est en trois parts, on l'a expliqué. Première, tawhid. Deuxième, ahkam. Les obligations, interdictions. Et troisième part, qissas al-anbiya ma'a aqwamihim. Les histoires des anbiya, des communautés précédentes. Bah, cette sourate-là, sourate al-ikhlas, kullu huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, elle ne parle que du tawhid. Donc elle vaut le thuluth, cette partie entière du Coran. C'est la seule sourate qui ne parle que de tawhid. Donc, kazalik, les sifat, certaines sont meilleures que d'autres. Les anbiya, certains sont meilleurs que d'autres. Tilka rusul, faddalna ba'dahum ala ba'd. Voici les messagers, nous allons préférer certains à d'autres. Wa ahabbu min Allah wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Bien que ce sont toutes sifat kamal, mais certaines sont préférables à d'autres. Auprès d'Allah Azza wa Jal. Voilà, ça c'est Masala cité dans Majmou al-Fatawa par Cheikh al-Islam. Donc ça c'est un ghadab haqiqi, une colère qui revient à Allah. Comme il se doit, qui n'est pas comme la nôtre. Et on doit l'affirmer. Je me rappelle, je crois que j'ai raconté quand j'étais chez les Arbesh, quand je disais le tarjama du Mushaf. Le sens du Mushaf en français, je ne connaissais pas encore l'arabe. Il y en a qui m'a dit, qu'est-ce que tu lis là? J'ai dit, dans le Coran, non, faut pas lire ça et tout. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que, regarde, par exemple, là, dans la Fatiha, ils disent qu'Allah se met en colère. C'est-à-dire qu'Allah, il change d'humeur. Donc ça, c'est une faiblesse, c'est de la mécréance. Faut pas lire ça et tout. Il m'a fait peur. Il a pris le Mushaf, donne-moi, je vais le brûler et tout. Donc en fait, non, mais c'est un Mushaf Adi. Ils ont pas. En fait, après, t'es bloqué. Ils te bloquent chez eux, tu ne lis, tu ne connais pas l'arabe, donc tu n'as nulle part où aller. Et tout ce qui est traduit en français, disent qu'il y a du couf dedans, il y a mes créances, donc ne lis pas ça. Donc ils te sectarisent chez eux. Comme la qibla dans la salat. Ils te disent que tous les massagistes sont munharifa, la qibla. Ta salat, elle est bâtie là-bas. Parmi les chouloutes de la salat, la qibla. Ils suffisent la salat là-bas, la salat, elle est fausse. Donc qu'est-ce qu'ils font? Tu es obligé d'aller faire salat chez eux. Ou alors tu viens avec ta boussole, des fois, tu es comme un majnoun. Tu peux pas faire en jamar avec les gens parce que tu seras obligé de te tourner par rapport aux autres. Tu pourras pas être dans les rangs avec tout le monde. Donc ils t'isolent des gens. Comme les sectes là quand ils parlent, les découffards là, les sectes bizarres là. Et puis ils font pareil. Des sectarisent, c'est-à-dire que lobotomisent à la fin, tu rentres chez eux. Tu ne vois personne d'autre, tu crois personne, tu as perdu tout le monde. Dès que quelqu'un te parle, il dit c'est qui lui, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi sa akida, oh ça m'écrit, on dit qu'elle est demain, khalas, c'est fini. Kafar tout le monde. Et après, bah, tu deviens bizarre avec eux. Sinon, ils sont bizarres ces gens-là. Alhamdoulilah, là, Najanani min zalik. Quand on m'a parlé d'eux, j'ai vite compris parce que j'ai senti qu'il y a une ambiance bizarre chez eux. Fakharajt. Salamanilla mi sharrihim. Thumma ba'da hadha dhakara sifat ukhra. Qala ittaba'u ma askhatahu Allah. Yani huna qu'ils ont suivi ce qui mettait Allah en colère. Donc le sakhat en français c'est moradif du ghadab. C'est la colère également, traduit par la colère, le courroux. فهذه صفات ثابتة لله بالكتاب والسنة وإجماع السلف كذلك. السخط كي لسونس دو كولير. ثم قال في قول الله عز وجل كره الله انبعاثهم. Que Allah a détesté leur départ. Sur la Tawba, verset 46. Fauna, ay sifat, al-karaha. Anna Allah yakrah. Fadi sifatun thabidatun lillahi ta'ala bi kitab wa sunna wa ijma'a salaf. Kama jafi al-hadith, inna Allah kariha lakum, qil, wa qal, tamam, wa kathat al-su'al, wa ida'at al-mal. Ghayri dhalika. Que Allah a détesté pour vous le qil wa qal, c'est-à-dire les paroles inutiles, de poser trop de questions et le gaspillage d'argent. Même dans sourate Al-Isra, wa kullu dhalika kana 'inda rabbika makruha, que tout cela existait auparavant et auprès de ton Seigneur détesté. Donc al-karaha min sifatillah, Allah il déteste, tout comme il aime également. Et les gens du ta'til hum fassaru hadi au awwal bal hadi sifa bi al-ib'ad. Que Allah t'éloigne. Ils ne vont pas vous dire karaha, ils vont dire Allah ibad, que Allah t'éloigne de lui. Donc là, qu'il faut nous rendre à l'ihim, anna sifat ukhadha la zahiriha. Madame lam yati dalil, hatta nu awwalaha, anna bqa la zahiriha, que karaha min sifatillahi azza wa jal, thabita, on l'accepte. On a des ayats, on a des ahadith, et c'est ceux qui étaient les salafs. Donc ça, c'était le force dans lequel ils citent certaines sifat. ثم ذكر فصلا آخر فقال في ذكر بعض أحاديث الصفات من نص دي أحاديث تعبوا الصفات on prendra inshallah سنقفنا أولا أفضل on prendra inshallah في درس قادم يرادي في هذا الباب يوصل مثل باب لكم من قنلا. Mais ça va allonger trop de ders, donc on va s'arrêter là. Arda Arsan. Naam. Hada sehl. Pas de mouchkila par rapport à ça. Alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha lantastafluka wa tibulayki.